بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، donc on va continuer inchallah sur l'explication de ce chapitre. Donc on est toujours sur l'étude du chapitre concernant la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus précisément concernant l'étude de l'un des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Malik. Al-Malik. Donc, à travers l'étude de ce chapitre, on a pu comprendre qu'Allah Jalla wa Ala, huwa al-Malik. Donc, il détient les plus beaux noms, et parmi ces plus beaux noms, al-Malik. Donc, on a dit que la traduction hein, littérale, le souverain absolu, le roi, le maître des hommes. Fallah Jalla wa Ala, huwa al-Malik. Et donc, dans la dernière allocution, on avait appris des choses très importantes. Du fait que Cheikh Ibn Uthaymeen nous a expliqué le verset 2 de la sourate Les Hommes, puisqu'on a dit que l'imam al-Bukhari, l'auteur lui-même, a mentionné en titre d'intitulé, en guise d'intitulé, le verset 2 dans la sourate Les Hommes, qui est Malik al-Nas, le souverain, le maître des hommes. Et donc Cheikh Ibn Uthaymeen, dans son commentaire, il nous a dit du fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait été ensorcelé par un homme qui était un juif, qui avait ensorcelé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qui avait fait et jeté un sortilège au prophète, jeté un sort au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, comme ce sorcier faisait partie des hommes, il convenait à ce moment-là de citer le verset lorsqu'Allah Jalla wa Ala dit qu'il est le souverain et le maître des hommes. Et c'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen ici dit que chaque circonstance a sa parole qui convient. Donc on avait expliqué les versets dans Sourate An-Nas, du fait que c'est une sourate, on a dit, qui était immense et qui renferme des sens immenses. Et on a dit aussi avec l'autre sourate, Sourate Al-Falaq, la sourate qui la précède. Donc Sourate An-Nas, c'est la 114e sourate. On a la sourate, la 113e sourate, qui la préserve. Ces deux sourates sont appelées les deux sourates protectrices. Et c'est pour cela que Cheikh Ibn Uthaymeen nous a dit que pour se préserver ou pour guérir, si on cherche un remède contre la sorcellerie, contre les sorts et les sortilèges, lorsqu'une personne elle est envoûtée, cette sourate ou ces deux sourates, sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas, font partie des remèdes par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Néanmoins, on a appris hier une base essentielle hein, et fondamentale, que la lecture de ces sourates peut être efficace, avec la permission d'Allah, que si le récitateur ou le lecteur a la ferme certitude, a une croyance ferme et résolue, ainsi que celui qui bénéficie de la lecture, c'est-à-dire le malade. Donc celui, par exemple, qui est envoûté ou bien qui a subi un ensorcellement, un sortilège, à qui on a jeté un sort, qui est sous les effets d'une sorcellerie, alors si on lui récite ces sourates par la permission d'Allah, eh ben, sont son remède. C'est un remède. Et celui donc qui va bénéficier de cette lecture, lui-même doit avoir une foi ferme et résolue. Il doit avoir une croyance certaine. Donc il doit être certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il est le souverain et le maître des hommes, Allah Jalla wa Ala peut lui procurer guérison. Donc Allah Jalla wa Ala peut le guérir. Et c'est ça lorsqu'on parle de certitude. Et ça convient, c'est vraiment les circonstances. Comme on a dit précédemment, chaque circonstance a sa parole qui convient. Donc là, ça convient avec les circonstances. Du fait que le chapitre, dans ce chapitre, l'auteur nous enseigne qu'Allah Jalla est le maître des hommes. Et il est le souverain suprême. Et donc, celui qui est touché par quelque forme de mal, que ce soit un mal occulte ou autre, alors il faut qu'il revienne et que son retour soit vers celui qui est le maître des hommes et le souverain ultime, Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, le prophète sallam, on a appris hier que lui-même a été ensorcelé, le prophète sallam. On avait mentionné certaines épreuves aussi qu'avait subies le prophète sallam dans le sentier d'Allah, Jalla Jalalu. Et donc de ce fait, toute personne qui est touchée, qui est atteinte d'un mal, que ce soit un mal occulte, comme on a dit, ou bien d'un sortilège, toute personne qui est envoûtée, toute personne qui est sous l'effet de ce mal, sous l'effet d'un sort, sous l'effet d'un sortilège, alors son retour doit se faire vers Allah subhanahu wa ta'ala et il doit chercher guérison auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les causes, pour qu'on puisse avoir la guérison d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les causes, la lecture du Coran et la récitation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en l'occurrence, la lecture de ces deux sourates, comme on l'a appris. Donc il y avait un enseignement. Hier, on a appris des choses qui sont très importantes. Surtout que, en cette époque-ci, beaucoup de gens se plaignent de cela. Malheureusement, beaucoup de gens sont touchés. Soit ils ont été touchés par des sorts, soit beaucoup de gens se plaignent de la possession, par exemple, de djinns, ou beaucoup de gens se plaignent qu'ils ont été atteints par quelques formes de sorcellerie, ou bien certains se plaignent de l'envoûtement, ou autre. Sachez que les kulida indawa, et pour ça le prophète sallam nous dit, pour chaque mal, il y a son remède. Donc il y a un remède. Et l'un des plus grands remèdes, hein, plus grand remède, c'est chercher la guérison à travers la lecture du Coran, à travers la récitation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en l'occurrence, la lecture de ces deux sourates. Donc c'est quelque chose de très important. Pour cela, Cheikh Ibn Al-Haythemine, dans son commentaire, a insisté sur cela. Et il a dit qu'il n'y avait pas plus bénéfique, hein, que la récitation de ces deux sourates. Mais avec les conditions qu'on a apprises hier, le fait d'avoir vraiment cette certitude et cette croyance inébranlable, aussi bien pour le lecteur, le récitateur, et aussi bien pour celui qui est atteint et qui est touché, celui qui bénéficie de cette lecture, pour qu'il soit réceptif et pour que cette lecture, par la grâce d'Allah, soit efficace. Donc il faut vraiment avoir ce qu'on appelle l'iman ou l'yaqin. L'imanu ou l'yaqin. Une foi et une croyance ferme et résolue avec une certitude, avec la certitude. Et ça, c'est très important. Donc, aussi bien le lecteur et le récitateur que celui qui bénéficie de cette récitation doivent être des croyants et doivent être pieux et vertueux. Donc, plus une personne est malade, par exemple, et de nombreuses personnes se plaignent de ce mal et de ces maux. Et bien lorsque la personne se plaint de cela, si la personne elle est malade, l'une des plus grandes causes pour la guérison, c'est de revenir à Allah Jalla wa Ala par son obéissance, d'obéir à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et le fait d'accomplir les bonnes œuvres, les œuvres de piété, et bien ça c'est une grande cause pour la guérison. Pourquoi? Parce que beaucoup de savants nous disent que l'une des plus grandes, ce qu'on appelle ruqya, hein, ce qu'on appelle c'est une forme d'exorcisme. L'une des plus grandes ruqya, c'est quoi? C'est le fait que la personne elle-même qui est atteinte par ce mal, eh ben, essaye, par le biais et à travers les obéissances à Allah, Jalla wa Ala, de guérir. C'est-à-dire que la plus grande ruqya, c'est celle que la personne qui est malade se fait sur elle-même. Se fait sur elle-même. Donc la personne, par exemple, qui est malade aussi, soit une tierce personne peut lui réciter des versets du livre d'Allah, et en l'occurrence, la sourate Al-Falaq et sourate Al-Nas, comme elle-même aussi, le fait qu'elle récite le livre d'Allah, qu'elle récite les versets du Coran, qu'elle récite par exemple sourate Al-Baqara, la sourate La Vache par exemple, ou d'autres sourates comme As-Saffat, ou bien d'autres sourates dans le Coran, le fait de réciter Ayat Al-Kursi par exemple, ou bien de réciter ces deux sourates, qui sont appelées al-mu'awwidhatan, les deux sourates protectrices, entre traductions relatives, et bien la personne, le fait qu'elle se récite sur elle-même cela, ça fait partie de la plus grande ruqya, comme le stipulent beaucoup de savants. Et ça, c'est très important. Et il faut pour cela, pour que la personne soit réceptive, et pour que cela soit efficace par la permission et la grâce d'Allah, donc il faut que la personne soit sur al-yaqin, sur une certitude. Il faut que la personne ait une foi forte et une confiance. Il faut qu'elle ait véritablement et réellement confiance en son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Pour cela, l'étude de ce nom, il convenait à ce moment-là de parler de ce sujet lorsqu'on étudie ce nom sublime d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est le roi, le souverain, le maître des âmes, subhanahu wa ta'ala. Donc on avait appris hier que l'homme qui avait ensorcelé le prophète, sallam, qui avait jeté ce sort et ce sortilège au prophète, sallam, c'était l'Abid ibn al-Asam. Et donc c'est cet homme. Et on avait appris aussi, on avait traité la question, combien de temps ce sortilège, combien de temps le prophète, sallam, avait subi hein, les méfaits de ce sortilège. Quelle était la période? Alors, on avait dit que les savants, beaucoup de savants, ont stipulé que cela a duré une période de 6 mois. Donc, ça a duré une période de 6 mois, comme on l'a appris dans la dernière allocution. Et certains savants ont cité aussi une période de 40 nuits, 40 jours hein, et 40 nuits. Et c'est pour ça que les savants, ils ont dit que sûrement, les spécialistes et les savants qui ont mentionné, évoqué cette période de 40 nuits, de 40 jours, eux, ils ont voulu sûrement dire, c'est-à-dire lorsque le sortilège et l'effet de cette sorcellerie a pris de l'ampleur, si vous voulez. Donc, beaucoup de savants ont dit qu'en réalité, le temps, c'était sur une période de 6 mois. Donc, le prophète a subi cela sur une période de 6 mois. Wallahu a'lam, et Allah en est le plus savant. Mais que pendant une période de 40 nuits, eh ben, cette sorcellerie a vraiment pris de l'ampleur. Et c'est comme cela, certains savants l'ont expliqué. Et on avait dit en l'occurrence, Al-Hafidh l'érudit Ibn Hajar dans son commentaire de l'authentique de l'imam Al-Bukhari. À présent, on peut déduire et comprendre que la sorcellerie, c'est quelque chose donc de réel. Et donc l'islam ne renie pas le caractère véritable et réel de la sorcellerie, bien au contraire, les textes, hein, aussi bien dans le Coran que dans la Sunna, nous prouvent que la sorcellerie et le mal des sorciers est bien et bien réel. Donc c'est quelque chose d'authentique. Et c'est pour cela que, à travers cette étude, ce qu'on a dit, à travers le fait de savoir que le prophète lui-même hein, eh ben, a subi les méfaits d'un sortilège, d'un sort, hein, d'une sorcellerie, il y a une immense sagesse et des leçons vraiment à tirer dans cela. Parmi les leçons qu'Allah Jalla wa Ala, premièrement, c'est lui qui a permis cela, puisque rien ne se passe dans son royaume sans sa permission. Donc Allah, par cela, éprouve ses serviteurs. Et qui est-ce parmi ses serviteurs va revenir vers Allah et dont son retour se fera vers Allah lors de cette épreuve? Qui est-ce parmi ses serviteurs qui reconnaîtra la souveraineté suprême et ultime de son Seigneur et sans limite, hein, puisqu'Allah Jalla Wala est le souverain par excellence. Donc celui qui est atteint de cela, et parmi les enseignements de savoir si le prophète sallam, lui-même, comme on a dit, hein, le meilleur des hommes, l'aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala, celui qui a été élu pour transmettre la révélation, si lui-même il a été touché par ce mal, alors, autre que le prophète, sallam, à plus forte raison, peut être touché par ce mal. Donc personne n'est à l'abri de cela. Sauf que dans notre religion, Allah, Jalla wa Ala, le prophète, sallam, nous a enseigné comment nous en préserver. Donc les personnes, les croyants, peuvent aussi faire les causes pour être prémunis et se préserver. De ce fait-là, on a appris comment se guérir. Quels sont les remèdes lorsqu'une personne est touchée par une forme de sorcellerie? Comment s'en guérir? Et donc, on a appris que il faut être confiant. Toute personne qui est touchée par cela, qui a été atteinte par une forme de sorcellerie, il faut être confiant du fait qu'Allah Jalla wa Ala est le maître des hommes et c'est lui qui procure la guérison. Donc, il faut la chercher auprès de lui à travers la lecture de ces versets, de ces sourates, comme on l'a dit, et à travers aussi le fait de revenir à certaines invocations. Donc faire les causes, légiférer religieusement pour chercher guérison. Donc ça, c'est lorsque la personne, elle est touchée et elle est atteinte par ce mal, par une forme, comme on a dit, de sorcellerie, soit par un envoûtement, soit par un sortilège, soit par des sorts ou autre, soit par de la magie ou autre. Par contre, ça, c'est lorsqu'on a dit précédemment, on recherche la guérison. Et la guérison, on la recherche lorsque, ça y est, la personne, elle est atteinte. Mais sinon, aussi religieusement, le prophète ensemble nous a enseigné aussi comment nous en prémunir et comment se préserver. C'est pour cela qu'on a deux choses. On a ce qu'on appelle Ad-Dafa et on a ce qu'on appelle Rafa. On a Ad-Dafa et on a Rafa. Rafa, c'est lorsqu'on veut en guérir. Ou Ad-Dafa, c'est lorsqu'on veut se prémunir et se protéger. C'est pour ça que, par exemple, parmi les causes pour se préserver et s'en protéger, par exemple, le fait toujours de faire ses doigts du matin, ses invocations du matin, le fait de faire les invocations du soir, par exemple, le fait de faire ses prières à l'heure, le fait d'être constamment la personne, il essaye d'œuvrer dans le bien. Donc, dans sa journée, il a une récitation quotidienne du Coran, par exemple. Donc, vous avez vu les œuvres de bien et les bonnes actions. Et bien, ça, avec cela, la personne se prémunit. Le fait que, par exemple, le prophète, pour chaque chose, il nous a enseigné des invocations. Lorsque la personne, akramakumullah, par exemple, va faire ses besoins, par exemple, eh ben, il y a un dua avant de rentrer, par exemple, fait le mirhad aux toilettes, il y a un dua, une invocation à dire. En sortant aussi, il y a une invocation à dire après que la personne ait fait ses besoins, akramakumullah. Et de ce fait, en chaque circonstance, le prophète ensemble nous a enseigné des invocations à dire. Regardez, même lorsque la personne, par exemple, il s'habille, ou par exemple, il porte un nouvel habit, un habit neuf, le prophète, en somme, nous a appris un dora. Le prophète, par exemple, aussi nous a appris un dora pour se préserver du mauvais œil et pour préserver, par exemple, nos proches, nos enfants, du mauvais œil. Vous avez vu, il y a plein d'invocations que le prophète, en somme, nous a enseignées, pardon, celui qui les apprend et celui qui les récite au moment voulu, eh ben, ça, c'est des protections. C'est pour ça que, regardez, certains savants, lorsqu'ils ont rédigé des livres nous enseignant les invocations et des livres qui, par exemple, renferment les invocations, regardez le livre célèbre qui s'appelle, par exemple, Husn al-Muslim, la citadelle du musulman. Vous avez, c'est une citadelle. C'est une sorte de forteresse ici pour se préserver. Donc, si vous voulez, le shaitan, lui, les démons, ils attendent que la porte s'ouvre. Et tant que on fait nos invocations, que ce soit les invocations du matin, que ce soit les invocations du soir, la personne par exemple qui prie sa prière de l'aube à l'heure et en groupe par exemple lorsqu'il en a la possibilité, eh ben il est sous la protection d'Allah lorsqu'il a prié à l'heure et en groupe. Il est sous la protection par exemple d'Allah. Vous avez vu, il y a des causes pour que on soit sous la protection tahta dhimmatillahi jalla jalalu, pour être sous la protection d'Allah. Donc, en chaque circonstance, le prophète sallam nous a appris des invocations. Et c'est pour cela que, avant de dormir, le fait de faire ces invocations, d'avant de dormir, l'invocation lorsqu'on se réveille, au moment où on se réveille, par exemple, on a une invocation. L'invocation lorsqu'on sort de chez soi, très important. Lorsqu'on rentre chez soi. Regardez, il y a le démon, lorsqu'on rentre chez nous, le démon veut rentrer. À partir du moment où vous dites Bismillah, vous faites l'invocation, le démon, par exemple, ne peut pas rentrer chez vous. Et c'est ça qui le rend malheureux et qui le met dans l'incapacité. Donc, vous avez vu, tout ça, ce sont des causes qui sont très importantes qu'il faut surtout pas négliger et délaisser. De même aussi, surtout à ne pas négliger parmi les causes qui nous préservent, hein, parmi les causes à ne pas négliger, la saine croyance. La saine croyance, le fait d'avoir une bonne croyance envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, on est en train d'étudier à travers l'étude de ces chapitres qu'a rédigé l'imam al-Bukhari dans son œuvre, dans son authentique. On voit que le croyant qui a une ferme croyance, une croyance inébranlable et dans son cœur, il sait qu'Allah, Jalla wa Ala, il a vraiment les convictions qu'Allah est le maître suprême, qu'Allah est le souverain, qu'Allah est le grand pourvoyeur et le grand dispensateur de la subsistance, qu'il est le tout miséricordieux, qu'il est le tout puissant, l'omniscient, l'omnipotent. Donc c'est dans des traductions latines parmi les noms sublimes d'Allah, Jalla wa Ala. Celui, le croyant et la croyante, qu'ont ces croyances-là, qui reviennent véritablement à Allah et qui invoquent donc leur Seigneur, parce que le fait d'avoir cette croyance-là, ça nous permet justement, ça nous donne ce désir de l'invoquer, de nous en remettre à lui. Tout ça, ce sont des causes pour la préservation, pour être préservé et prémuni. Et de ce fait, vous fermez toutes les portes. Et lorsque toutes les portes sont fermées, alors vous avez obstrué la voie aux démons et aux shayatines qui travaillent avec les sorciers, qui sont au service des sorciers. Donc lorsque toutes les portes sont fermées, alors vous avez obstrué tout passage et tout chemin aux démons et aux shayatines. Ils ne peuvent vous atteindre par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc eux, leur but, ça va être d'attendre et de patienter, hein. Ils vont être aux aguets. Ils vont être vraiment être aux aguets, ils vont patienter et ils vont attendre ici que la porte s'ouvre pour pouvoir pénétrer. De ce fait, on apprend qu'il ne faut pas que cette porte s'ouvre et il ne faut pas l'ouvrir, cette porte. Donc vous avez vu les deux choses à prendre en considération. La personne qui n'est pas touchée par ces maux, par ce mal, alors elle peut s'en préserver et se prémunir. Et on a appris que la personne par contre qui est atteinte et qui est touchée par ce mal, on a appris à travers l'histoire du prophète, sans salam, et à travers l'allocution d'hier, dans le cours d'hier, qu'il y a des moyens ensuite de se guérir. Donc on a les remèdes. Il y a toujours des solutions. Il ne faut pas que la personne, par exemple, qui est touchée par ce mal-là, il ne faut pas que la personne désespère. Surtout pas. Il ne faut pas sombrer dans la désespérance parce que sombrer dans la désespérance, c'est donner de la force aux démons et aux shayatines et c'est donner de la force à ce sortilège, du fait qu'il va se renforcer. Il ne faut pas désespérer. Allah dans le Coran nous dit, ô mes serviteurs, ne désespérez pas. Les serviteurs d'Allah ne désespèrent pas. Al-Muslim la yaqnat. Il ne désespère surtout pas. Pour toujours, il faut toujours avoir l'espoir et être optimiste. Vous avez vu, malgré toutes ces épreuves qu'on avait mentionnées du prophète, le prophète, il est rapporté de lui que annahu kana yuhib al-fa'l. Nabi Sassam Kana Mutafa'il, Da'iman, en toutes circonstances, le prophète Sassam était optimiste. Et le prophète, en toutes circonstances, malgré les épreuves qu'il a vécues, il est optimiste. Et parmi les grandes leçons à tirer de ce qu'on a appris hier, c'est qu'Allah Jalla wa Ala lui a donné ensuite la victoire et le succès et a fait triompher le prophète Sassam. Et de ce fait, on apprend que les patients, leur finalité après l'épreuve, c'est qu'il y a le réconfort. Donc Allah Jalla wa Ala éprouve ses serviteurs, mais ensuite il leur donnera réconfort et triomphe et succès et victoire. Et c'est comme cela qu'Allah Jalla wa Ala fait avec ses serviteurs. Donc vous avez vu, la personne qui est atteinte d'un mal, alors il y a les remèdes. Il y a des remèdes, il y a des causes. Et celui qui n'est pas atteint, comme on a dit, alors il y a aussi des causes pour se prémunir, comme on a dit précédemment. C'est très important pour se préserver. Sachez que tant que la porte est fermée, les démons ne peuvent pas rentrer par la permission d'Allah. Vous êtes sous la protection d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour cela, on a dit tout à l'heure, les deuras, c'est une sorte de citadelle, c'est une forteresse. Et pour bien comprendre cela, il y a un grand savant, par exemple, Ibn al-Jawzi, et je vous réfère à son livre, Talbis Iblis. Ibn al-Jawzi, dans Talbis Iblis, il va nous expliquer dans ce livre, dans son livre, les différentes ruses de Shaitan. Par quelle porte rentre Shaitan pour semer le mal, pour toucher, pour atteindre les serviteurs et les croyants? Donc, par quelle porte il va rentrer pour atteindre les croyants? Et ce livre est vraiment, c'est un grand livre qu'a rédigé le grand savant Ibn al-Jawzi. Et je vous conseille de lire ce livre. Dans un passage de ce livre, Ibn al-Jawzi va nous parler de cela. Et là, on va bien comprendre le fait de laisser les portes fermées. Donc, je vais vous mentionner un passage, hein, une citation qu'il y a dans ce livre. Et là, on va bien comprendre le fait qu'il faut laisser vraiment les portes fermées. Et de là, on aura une protection. Vous avez vu? Donc, nos invocations, c'est comme une citadelle, c'est une forteresse. Et aussi, donc, il faut préserver son cœur. Puisqu'on a dit que Shaitan nous mène une lutte qui est constante, hein, constante et incessante. Et de ce fait, le croyant, lui, il doit mener cette lutte contre Shaitan et contre les démons, cette lutte qui est constante et incessante. Observez bien et remarquez bien dans cette citation que je vais vous lire d'Ibn al-Jawzi, ce grand savant qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Observez bien que là, il va vraiment nous illustrer ici. Il va vraiment nous illustrer ici cette lutte qui est constante, qu'il y a entre les croyants et les shayatines. Les croyants et les shayatines. Et donc, le croyant doit préserver sa religion, doit préserver ses convictions, doit préserver son cœur. Son cœur. Et là, Ibn al-Jawzi, regardez, il dit: Sache que le cœur est comme une citadelle. Et il nous dit donc que le cœur, il est comme une citadelle. Et autour de cette citadelle, il y a une enceinte avec des portes et des ouvertures. Donc regardez ce qu'on avait mentionné précédemment. Ibn al-Jawzi parle de portes et d'ouvertures. Donc il nous parle de notre cœur. Donc le cœur serait comme une citadelle. Et autour de cette citadelle, il dit, il y a une enceinte avec des portes et des ouvertures. L'habitant en est la raison. Donc il va dire que il y a des habitants dans cette citadelle et l'habitant de cette citadelle, c'est la raison. Donc il va dire il y a un habitant. Donc l'habitant, c'est la raison. Et les anges se rendent souvent à cette citadelle. Donc regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit que cette citadelle, elle a des visites. Et elle a la visite souvent des anges. Donc les anges se rendent souvent à cette citadelle. Et près de celle-ci, par contre, il nous dit, il y a un faubourg. Et dans ce faubourg, lorsqu'il nous cite le faubourg, il dit dans lequel les passions et les démons vont et viennent sans aucun empêchement. Donc vous avez vu, il nous cite un faubourg. Il donne à l'exemple, hein, de cela. L'exemple d'un faubourg dans lequel il y a les passions et les démons qui vont et viennent sans aucun empêchement. Alors il dit, et regardez là maintenant l'exemple qu'il va donner. Et vraiment là, on va vraiment comprendre cela avec cet exemple et essayer de s'imaginer un peu cette lutte qui est constante et permanente. Il dit, de là, une guerre a éclaté. Une guerre a éclaté entre qui et qui? Entre les habitants de la citadelle et ceux du faubourg. Les démons ne cessent de tourner autour de la citadelle, guettant le moindre relâchement de la citadelle. Ou plutôt, regardez ce qu'il dit Ibn al-Jawzi. Il dit donc les démons ne cessent de tourner autour de la citadelle, guettant le moindre relâchement de la sentinelle. Donc il y a une sentinelle qui est là. Et eux, les démons, ils veulent pénétrer. Ils veulent s'infiltrer dans la citadelle. Donc eux, ils veulent ternir. Ils veulent souiller le cœur du croyant. Ils veulent atteindre le cœur du croyant. Pourquoi? Pour tuer ce cœur, justement. Donc, puisque la citadelle, Ibn al-Jawzi ici, nous dit que c'est le cœur. Donc les démons essayent de pénétrer, de s'infiltrer dans cette citadelle, mais il y a une sentinelle. La sentinelle, donc, elle doit toujours, il dit, connaître le moindre passage. Eh bien, préserver les passages. Pourquoi? Parce que les shayatines et les démons, eux, ils observent, ils sont aux aguets, et ils observent le moindre passage, la moindre occasion pour pouvoir pénétrer. Donc la sentinelle, Ibn al-Jawzi dit, se doit de connaître l'ensemble des portes et des ouvertures de la citadelle, à qui l'on a confié la garde. Vous avez vu la sentinelle ici, elle est là pour garder la citadelle. Donc elle doit vraiment observer et garder les portes et les ouvertures de la citadelle. Alors il se doit, la citadelle se doit de, la sentinelle plutôt, de ne pas relâcher la surveillance, il dit, ne serait-ce qu'un instant, car l'ennemi est aux aguets. L'ennemi, il est aux aguets, c'est-à-dire les démons, hein, ils essayent de pénétrer. Cette armée de démons essaie de pénétrer. Un jour, un homme a dit à Al-Hassan al-Basri, Est-ce que Iblis, Shaitan, y dort? Alors Al-Hassan al-Basri lui a dit, S'il dormait, nous aurions pu connaître le repos. Ici, pour sous-entendre qu'il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos, donc c'est une lutte qui est constante. Alors, cette citadelle, Ibn Jawzi la décrit comme étant éclairée par le rappel, le dhikr, le rappel d'Allah, et elle est illuminée par la foi. Donc, la citadelle, comme on a dit, c'est le cœur. Donc, elle est éclairée, cette citadelle, par le rappel d'Allah, le dhikr, et elle est illuminée par la foi. Et il dit, il y a dans la citadelle un miroir brillant dans lequel se voit tout ce qui se passe devant, ou tous ceux qui passent devant. La première chose que le démon fait dans le faubourg, c'est produire beaucoup de fumée. Les murs de la citadelle finissent par noircir, le miroir est couvert ensuite. Et la perfection de la pensée rejette donc ensuite la fumée et l'éclat du rappel fait briller le miroir. Regardez ce que nous dit Ibn al-Jawzi. Il dit malgré cela, la perfection de la pensée rejette la fumée et l'éclat du rappel fait briller le miroir. Par contre, ensuite, il continue et il dit, mais l'ennemi a ses attaques. Les démons ne cessent. Les ennemis de la citadelle essayent de pénétrer. Donc, il attaque. Il dit alors, parfois il lance l'assaut et pénètre dans la citadelle. La sentinelle lance alors une offensive et l'expulse. L'imam dit alors, il se peut qu'il y pénètre et qu'il y cause des dégâts. Donc parfois ces ennemis-là, les démons, peuvent pénétrer. Et s'ils pénètrent, ils vont causer des dégâts. Et parfois il se peut qu'ils s'y fixent. Parfois il se peut qu'il s'y fixe, il dit, par inattention de la sentinelle. Donc si la sentinelle, à un moment donné, elle est distraite, elle est inattentive, alors ça ouvre la porte. Ça ouvre la porte à ses ennemis, à ses démons, et ils pénètrent. Ibn al-Jawzi continue, l'imam, et il dit, il se peut que le vent qui chasse la fumée s'arrête de souffler. À ce moment-là, les murs de la citadelle noircissent, le miroir se ternit, et le démon passe sans que l'on s'en aperçoive. Et il se peut que la sentinelle soit blessée à cause de sa négligence ou qu'on lui a fait des confidences ou qu'on ne se serve d'elle. Regardez ce qu'il nous dit. Il dit donc parfois, la sentinelle, si elle a été distraite, inattentive, alors par négligence, pour cause de négligence, elle peut être blessée. Alors, il dit, puis qu'elle soit amenée à tirer la force avec l'accord et l'aide du hawa, des passions. Alors il se peut qu'elle, c'est-à-dire la sentinelle, soit comme le légiste tombée dans le mal. Donc parfois elle-même, la sentinelle, elle peut être touchée par le mal et elle-même, elle va tomber dans le mal si elle suit el hawa, les passions. C'est pour cela que l'un des pieux prédécesseurs, il disait, l'un des pieux prédécesseurs a dit un jour, j'ai vu le démon qui me dit, je rencontrais des gens à qui j'apprenais, et je me retrouve, le démon a dit, et je me retrouve à les rencontrer, et c'est d'eux que j'apprends. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, il faut toujours être attentif. Et l'imam Ibn Jawzi continue, il dit, il se peut que le démon donne l'assaut contre l'être intelligent et perspicace. Regardez, Ibn Jawzi, l'imam, nous dit que parfois le démon, il va lancer un assaut, il va donner l'assaut contre un être intelligent et perspicace. Et ce démon, il est accompagné de la reine des passions qui l'a embelli. Donc regardez, le démon, parfois, il va attaquer donc la personne intelligente et perspicace, il va lancer un assaut, et ce démon va être accompagné de la reine des passions qui l'a embelli. Alors il distrait l'être intelligent et perspicace en l'incitant à l'admirer et en fait donc un captif. Donc il va en faire un prisonnier. Et pour cela, Ibn al-Jawzi continue en nous disant, le lien le plus solide avec lequel on ligote le prisonnier, c'est l'ignorance. Donc regardez ensuite, le démon, s'il veut ligoter et attacher ce prisonnier, il dit le lien le plus solide, hein, le plus dur, hein, ce lien le plus solide par lequel va être ligoté ce prisonnier, c'est al-jahlu, c'est l'ignorance, c'est l'ignorance. Et celui qui est d'une solidité moyenne, le lien par lequel va être ligoté et attaché ce prisonnier, celui qui va être d'une solidité moyenne, c'est la passion. Donc d'abord, il cite le plus solide, c'est l'ignorance, le moyen, c'est la passion. Et le moins solide d'entre eux, c'est l'inattention, la distraction. Et regardez ce qu'il va nous dire, et je vais terminer par cette citation, par cette phrase que dit Ibn al-Jawzi. Il conclut en disant, tant que la cuirasse de la foi se trouve sur le croyant, la flèche d'un ennemi ne pourra atteindre l'endroit où la blessure est mortelle. Regardez, il dit, tant que la cuirasse de la foi se trouve sur le croyant, alors la flèche de l'ennemi ne pourra jamais l'atteindre et ne pourra jamais atteindre l'endroit où la blessure est mortelle. Donc là, je fais fin de citation. Vous avez vu cette parole du grand savant, l'imam Ibn al-Jawzi, est vraiment très pertinente. C'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir et méditer pour qu'on puisse comprendre le sujet qu'on était en train d'étudier. J'ai vraiment voulu vous lire cette citation de Ibn al-Jawzi pour vraiment illustrer ici vraiment la lutte qu'il y a, qui est permanente entre les pieux, les vertueux et les shayatines et les démons. Et ça illustre vraiment que le croyant, regardez, tant qu'il garde ses portes, tant qu'il est attentif et tant qu'il laisse ses portes fermées, il ne les ouvre pas, alors les démons ne peuvent rien contre lui. C'est ça que vraiment on comprend ici dans cet exemple que donne Ibn al-Jawzi. Donc c'est vraiment pertinent. Si on a compris, donc le croyant, il peut toujours être protégé, préservé, tant qu'il laisse ses portes fermées et ne les ouvre pas. Il faut toujours qu'il y ait la garde. Et de là, on comprend que le croyant ne doit jamais baisser sa garde. Le croyant doit toujours être attentif et il faut faire attention à la distraction et l'inattention. Et on a appris aussi à travers cette citation que parfois, les shayatin, s'ils veulent ligoter un prisonnier, donc s'ils ont fait de quelqu'un un prisonnier, s'ils veulent le ligoter, alors pour le ligoter, le lien le plus solide, ça serait l'ignorance. Et le lien moyen, comme on a dit, ça serait la passion. Et ensuite, le moins solide, c'est l'inattention et la distraction. Donc c'est pour cela qu'il faut se méfier de l'ignorance et prendre garde de l'ignorance. Il faut se méfier des passions, de suivre sa passion. Et il faut faire attention à l'inattention et à la distraction. Donc tant que le croyant, lui, il laisse ses portes fermées, et les obstrue, alors là, vous causez du mal et vous êtes en train de fatiguer Shaitan et les démons. Vous les fatiguez jusqu'à ce qu'ils vont commencer à se lasser avec vous. Mais ils vont pas vous lâcher. Et ils ne vont pas nous lâcher. Ça va être une lutte sans cesse, mais ça va les lasser. Ça va les fatiguer. Ça va les affaiblir. Ça va les mener à l'incapacité. Et comme cela, vous devez mener l'ennemi à l'incapacité, à la lassitude, à la fatigue. Et tant que on observe cela, alors les portes sont fermées et ils ne peuvent rien contre le croyant et les croyantes. Voilà, c'est un exemple. On va continuer, Inch'Allah. Donc ensuite, Cheikh Ibn Al-Thaymin nous dit, إذن في هذه الآية إثبات الملك لله وأنه عام وسبق لنا أن الملك الله جل وعلا لا يشابه ملك المخلوقين لأن ملك المخلوقين محدود. Et ensuite, Cheikh Ibn Al-Thaymin nous explique et il nous dit de ce fait, on a compris, on a appris dans ce chapitre que le souverain incontestable et celui qui détient la souveraineté totale, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, c'est pour ça que c'est très pertinent d'étudier ce nom à ce moment-ci, c'est lorsqu'on sait qu'il y a un souverain qui a la souveraineté, l'emprise et le contrôle total sur ces créatures, alors là, le croyant, il se réjouit et le croyant, il est apaisé. Il sait qu'au-dessus, il y a le maître des hommes. Et quel bon allié d'avoir le maître des hommes comme allié. Et à savoir, dans le Coran, Allah Jalla Wala nous dit que Allah se fait allié des croyants et des vertueux. Allahu waliyul muttaqin. Allah est l'allié des croyants et des pieux. C'est pour cela que celui qui reconnaît cela, la grandeur de son Seigneur, donc lorsqu'il sait que le Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniscient, le Souverain, celui qui détient le contrôle et l'emprise, celui qui détient la souveraineté totale, celui qui est le roi et le maître absolu des hommes, lorsqu'on sait et on a conscience qu'il est notre allié, alors là, on ne craint plus rien. On ne craint plus rien. Regardez les bénéfices et les profits de l'apprentissage de cela. Lorsque le croyant sait que Allah Jalla se fait allié des pieux, et donc vous n'avez pas un meilleur allié si ce n'est le Tout-Puissant, le Souverain incontestable, celui qui est l'inébranlable Subhanahu wa Ta'ala, celui qui détient, qui est le détenteur de la force, celui qui est El-Matin. Donc celui qui a Allah comme allié, il n'a rien à craindre. Il n'a rien à craindre dans cette vie d'ici-bas et aussi dans l'au-delà. Vous avez vu, ce sont des convictions fermes que doit avoir le croyant. Donc lorsque le croyant a cela, eh ben ça fait partie des grandes protections. Imaginez-vous que votre allié, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah est votre allié, alors vous n'avez plus rien à craindre. Rien ne peut vous atteindre sans la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour ça, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, même si toutes les nations se réunissaient pour vous nuire et vous faire du mal, ils ne pourraient le faire. Ils ne pourraient le faire si cette chose n'a pas été écrite et consignée. Pour cela que il faut vraiment méditer cela, le fait d'être pieux, Allah jalla est l'allié des pieux. Allah est l'allié des croyants et des croyantes, subhanahu wa ta'ala. Et lui, l'imam al-Bukhari, c'est très pertinent, pour illustrer vraiment la souveraineté parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné le verset où Allah jalla wa ala nous dit qu'il va faire de cette terre qu'une poignée, qu'Allah fera qu'une poignée de cette terre et qu'il pliera les cieux. Et on voit vraiment que là, l'imam al-Bukhari, en mentionnant ce hadith, pardon, puisqu'on a le hadith qui mentionne cela, et aussi on a un verset. Donc on a le verset 67, par exemple, dans Sourate Zumar. Vous pouvez retrouver le verset. Et là, l'imam al-Bukhari a vraiment voulu illustrer vraiment la souveraineté totale d'Allah subhanahu wa ta'ala et sans limite. Le fait qu'il est le maître, le fait qu'il mentionne ce hadith, où il est évoqué qu'Allah jalla wa ala, il nous a enseigné qu'Allah jalla wa ala fera de cette terre qu'une poignée, Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection, et qu'il pliera les cieux. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, regardez dans ce commentaire, il nous dit, et le fait que Allah Jalla nous dit qu'il pliera les cieux, il les pliera d'une manière réelle, c'est quelque chose de réel et véritable. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen nous enseigne dans son commentaire, il dit, c'est pas une parabole. Il dit, c'est haqiqi, laysa al-murad quwwatu sayyitara ala al-sama ou quwwatu sayyitara ala al-ard. Regardez ce que nous dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Il dit donc, ce n'est pas une métaphore. Cela, ce n'est pas le sens que, par exemple, Allah Jalla wa Ala aura une forte emprise sur les cieux ou bien une forte emprise sur la terre. Ce n'est pas à comprendre comme cela. Certains pourraient expliquer cela et commenter cela en disant non, le sens, ça serait qu'Allah Jalla wa Ala est la totale puissance et force et emprise et contrôle sur les cieux et la terre. Il dit non, le sens n'est pas cela. Le sens est réel et véritable. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala dit qu'il fera de la terre une seule poignée, il en fera une poignée, il dit c'est un sens qui est véritable. C'est haqiqi. Et qu'Allah Jalla wa Ala pliera la terre, les cieux, pardon, il dit. C'est vraiment quelque chose de réel et de haqiqi qu'il faut comprendre dans le sens réel. Et ce n'est pas quelque chose de métaphorique et c'est ni une parabole. Et regardez, Cheikh Ibn Uthaymeen va continuer et il nous dit dans l'explication, li anna as-sama awsa' min al-ard. Il dit parce que les cieux sont plus vastes que la terre. Donc les cieux, leur étendue est plus vaste que la terre. Ou ashad wa a'zam. Et il dit. Et donc les cieux sont plus grands, la grandeur des cieux dépasse hein, et surpasse celle de la terre. C'est pour cela que il est dit, Allah Jalla dit qu'il pliera les cieux. Et cela prouve la puissance et la force illimité et infini d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah Jalla wa'ala est l'omnipotent, Allah est le tout-puissant par excellence, Jalla Jalalu. Donc Allah Jalla wa'ala, il nous est même décrit qu'il pliera ses cieux immenses comme on plie les registres, par exemple les feuilles d'un livre. Vraiment, c'est quelque chose de réel et ça nous dénote la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dira qu'il est le souverain. Allah, c'est le maître. Et de ce fait, on voit la différence. On voit la différence qu'il y a entre la souveraineté réelle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est incomparable avec la souveraineté des hommes. Combien d'hommes, par exemple, sur terre qui étaient rois? Et ça va vraiment nous faire comprendre vraiment l'immensité d'Allah Jalla wa Ala, qui est sans limite. Et combien d'hommes ici ont eu un règne et étaient rois sur terre, mais leur royauté est limitée? Premièrement, les rois, certains qui étaient rois sur terre et qui ont régné sur des contrées du monde, il n'y a eu personne depuis Adam qui a régné sur toute la terre. Premièrement, déjà personne depuis le début de la création, personne n'a régné sur toute la terre. Même des grands rois qui ont régné sur terre, ils ont régné sur des parties, sur des contrées de la terre. Donc, certains ont même eu, ceux qui ont eu le plus grand règne, certains ont régné sur des grandes surfaces, sur des étendues, des grandes étendues de la terre. Mais par contre, personne n'a eu le règne de toute la terre. Donc, on voit déjà, ça dénote le règne limité de certains qui ont ou eu une royauté sur terre. Tandis qu'Allah Jalla wa'ala, lui, règne sur tout. Et sa royauté est absolue et sans limite. C'est pour ça que même si l'on peut dire de certains êtres humains qu'ils détiennent une certaine souveraineté, il s'agit là d'une souveraineté éphémère et limitée. Un homme, par exemple, on a dit, il peut être roi d'un pays, un autre peut être maître des terres qui lui appartiennent plutôt, mais ces types de souveraineté, elles sont limitées. Aussi bien, écoutez bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont limitées dans le temps. Donc aussi bien c'est limité dans le temps, tout au plus la durée de vie d'une personne, ou même moins. Et donc, c'est limité dans le temps par rapport à la durée de vie de cette personne, mais c'est limité au niveau de l'étendue de cette terre. Donc, partout, on voit dans le monde, se trouvent des monuments, des vestiges laissés par exemple, par des civilisations du passé. On voit des châteaux, des domaines, on voit des ruines, par exemple. Vous observez, par exemple, en Égypte, il y a les ruines d'Égypte, en Grèce, à Rome, où il y a eu les Romains, avec le règne de certains rois. Et il nous rappelle qu'il y avait des gens qui, autrefois, possédèrent beaucoup de pouvoir avant de passer aux annales de l'histoire et avant d'être ensuite oubliés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces hommes? Ils usèrent de leur influence et de leur emprise sur une partie du globe. Et cela durant une période qui était en réalité déterminée. Et Allah subhanahu wa ta'ala ensuite va faire que leur règne se termine. Donc leur règne ensuite va connaître la fin. Il est donc clair que la souveraineté, en réalité, n'appartient qu'à Allah. De ce fait, vous avez vu comment on peut dire que la souveraineté, en réalité, elle n'appartient qu'à Allah. Tandis que la souveraineté des êtres, certains rois sur terre, elle est éphémère et elle est restreinte et elle est incomplète. On a dit qu'elle est limitée dans le temps et elle est limitée dans l'étendue. Retenez toujours bien cela, ces deux choses. Lorsqu'on dit limitée dans le temps et elle est limitée dans l'étendue. C'est pour cela qu'il nous a rapporté vraiment une très belle parole. Vous savez, il y a la majorité des rois, regardez maintenant, ont été oubliés, ont sombré dans les abîmes de l'oubli. Certains qui avaient des palais, certains qui détenaient des fortunes et des richesses et des trésors, ils ne les ont pas emportés avec eux dans l'au-delà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le jour de la résurrection, ils seront ressuscités et ils seront comme les hommes, c'est-à-dire leur royauté et leur règne et leur richesse et leur fortune et leur trésor qu'ils avaient dans cette vie d'ici-bas, ça ne va pas apparaître le jour de la résurrection. Ils seront ressuscités comme les autres hommes. Ils seront nus incirconcis et pieds nus, comme tout le monde. Et c'est pour ça que ça ne va pas les valoriser. Celui qui a une royauté ici-bas, celui qui détient des terres, des étendues, il a un règne sur des étendues et des terres. Et il règne, il a des gouvernés, des sujets, puisqu'il est gouverneur. C'est sa piété qui fera la différence le jour de la résurrection. Est-ce qu'il était juste ou bien il était injuste? S'il était injuste, alors ça sera contre lui. S'il était, il a oppressé, s'il était injuste, il n'a pas fait preuve d'équité, alors ça sera contre lui. Par contre, celui qui était juste, par contre, celui qui a fait preuve de piété, alors ça sera pour lui. Mais cela, ces signes de fortune et de royauté, eh bien, ça ne va pas apparaître le jour de la résurrection. Il sera ressuscité comme les autres et il ne va pas emporter cela avec lui. C'est pour ça que vraiment ceux qui étaient pieux, ceux qui connaissent la réalité de cette vie d'ici-bas, alors eux en réalité, et on a l'exemple, je vais vous donner, je vais terminer avec l'exemple de celui que je vous avais cité parmi les dirigeants à l'époque de l'Empire abbasside, qui était pieux, un homme qui se rappelait Allah, il savait que sa souveraineté, elle était limitée et sa souveraineté, elle était imparfaite et que la réelle souveraineté, elle appartient à l'appartenant à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté qu'un jour, alors qu'il était, et c'était Harun al-Rashid, alors qu'il était à la firash al-maut, avant de mourir, alors qu'il était malade, il a demandé à ceux qui étaient autour de lui, il leur a dit, Urid an ara qabri alladhi s'udfanu fi. Il dit, je voudrais voir ma tombe dans laquelle je serai enterré. Regardez, c'était une personne qui avait le pouvoir sur un étendu, sur une large terre, hein. C'était un calife, donc il avait un règne. Mais regardez, avant de mourir, il a dit, il a demandé aux gens qui étaient autour de lui, il leur a dit, je voudrais voir ma tombe dans laquelle je serai enterré. Fama kana minhum illa an hamalu ila qabri. Donc les gens qui étaient autour de lui, il est rapporté qu'ils l'ont pris et ils l'ont ramené. Ils l'ont ramené vers cette tombe qui avait été creusée dans laquelle il serait enterré. Fanadhara Harun ila al-qabr. Fabaka, baka'an shadidan, buka'an shadidan. Et lorsque ce roi, ce calife, Harun, a vu la tombe dans laquelle il sera enterré, il a commencé à pleurer. Buka'an shadidan. Mais vraiment, il a versé vraiment des larmes. Et il pleurait. Thumma iltafata ila an-nas min hawli. Ensuite, il s'est retourné vers les gens qui étaient autour de lui. Wa dhakara qawlahu. Il leur a évoqué la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'Allah dit au sujet d'hommes qui avaient une royauté sur terre, Ma aghna anni maliya, halaka anni sultaniya, Ma aghna anni maliya, halaka anni sultaniya. Donc Allah Jalla wa'ala nous parle de ceux qui regretteront, ceux qui étaient rois sur terre, qui avaient un règne et des fortunes, et qui regretteront et ils diront, dans un verset, il est dit, Ma aghna anni maliya. Ma richesse ne m'a servi en rien et mon pouvoir m'a fait périr. Regardez Allah Jalawala dans ce verset, c'est immense. Ces gens regretteront, ces gens qui étaient rois sur terre, mais qui avaient désobéi à leur Seigneur, alors ils diront que leur richesse, ma richesse m'a servi en rien et mon pouvoir m'a fait périr. Regardez, il leur a récité ce verset, ensuite il a dit, Thumma rafa'a ra'sa ila sama wa baka wa qal. Ensuite il a levé sa tête vers les cieux. Et ce calife, Harun, a commencé à pleurer. Il regarda le ciel et là, il va dire une parole qui nous a rapportée jusqu'à aujourd'hui et que même les savants nous font le rappel avec cette parole qui a vraiment touché, qui a vraiment touché les gens. C'est une parole vraiment qui est immense et qui dénote vraiment la souveraineté totale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ce que va dire ce roi qui a vécu qui était l'un des rois et des califes de la dynastie abbasside. Regardez ce qu'il va dire à la fin. Donc il va pleurer, il va regarder le ciel et il va s'adresser à Allah en lui disant Ya man la yazulu mulku, irham man qad zala mulku. Regardez cette belle parole. Ya man la yazul, ya man la yazulu mulku, irham man qad zala mulku. C'est une très belle parole. Il a dit ensuite lorsqu'il regardait vers le ciel, il levait sa tête, il s'adressait à Allah en lui disant, Ô toi, qui la royauté ne cessera jamais, celle qui est éternelle, ô toi, qui la royauté ne cessera jamais, fais miséricorde à celui dont la royauté a cessé. dont la royauté s'est éteinte. Regardez cette très belle parole. Yaman la yazulu mulku, irham man qad zala mulku. Ô toi qui dont la royauté est éternelle, celle qui ne cessera jamais, fais miséricorde à celui dont la royauté a cessé. Et on va terminer sur cette très belle parole. Et cette très belle parole nous dénote vraiment que, quelle que soit la fortune que va amasser la personne dans cette vie d'ici-bas, quel que soit le pouvoir qu'il aura dans cette vie d'ici-bas, le principal, c'est la piété. Et les gens, le jour de la résurrection, c'est pas leur bien ou leur pouvoir qu'ils avaient sur terre qui vont les élever en rang auprès d'Allah, mais c'est leur piété. Et celui qui est pauvre ici-bas sera meilleur que le riche s'il était pieux. Donc c'est pour cela que la richesse, en réalité, c'est les convictions qu'on a dans le cœur, c'est les bonnes moralités, c'est ça la richesse de la personne. Les bonnes moralités, le bon comportement, al-qanara, la personne que, le fait que la personne, quels que soient les biens qu'il possède, même s'il n'est pas riche, il est satisfait de ce qu'Allah lui a donné, c'est ça en réalité la réelle richesse. Les rois aujourd'hui, malgré l'étendue de leur pouvoir, la majorité ont sombré dans les abîmes de l'oubli. Ils ont sombré dans les annales de l'histoire. La majorité aujourd'hui sont enterrés et leur pouvoir était éphémère. Et aujourd'hui, ils sont oubliés. Combien de rois ont régné sur terre et ils sont oubliés. Les gens ne les connaissent même pas et les gens ne veulent même pas les connaître. Les gens les connaissent pas et ils ne veulent même pas les connaître. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à méditer. Et on conclut. Donc on a conclu l'étude de ce chapitre. Vraiment pour reconnaître la grandeur et la souveraineté totale, sans limite et éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a fini l'étude de ce chapitre et c'est pour ça que tout croyant, lorsqu'il se rend compte de cette souveraineté d'Allah qui est éternelle et illimitée et totale hein, et parfaite, alors quelles que soient les épreuves qui l'atteignent, qu'il sache qu'Allah est le maître des hommes. Allah est le maître des hommes, donc c'est vers lui qu'il faut revenir. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.